Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées, chaque semaine une nouvelle thématique. Et cette semaine, donc sur les ondes du 100 FM de Radioactive, on va s'intéresser à un genre qui était quand même pas mal à la mode en fait au début des années 2000, c'est une espèce de pop punk, on va dire. Alors qu'est-ce que c'est que le pop punk? C'est un punk qui va être un peu, on va dire, arrondi dans les angles, un peu adouci, rendu plus compatible avec le passage en radio, à tel point même que certains vont devenir carrément faire de la variété, on va dire. Mais il y avait un bon nombre de groupes très intéressants, et ce qui va nous servir de fil rouge pour cette émission, c'est un groupe du nom de Jimmy Eat World, qui a fait un grand titre qui s'appelait The Middle. Et on va écouter donc pas mal de groupes du même genre. Donc c'est essentiellement quand même de l'ancien, hein, des choses des années 2000, il y a 20 ans maintenant. Et c'est parti. Alors pour ceux qui n'aiment pas le punk, c'est peut-être les... comment dire? Ça serait peut-être l'émission qui serait la plus simple pour se lancer dans ce domaine-là. Thank you. makers call it a bother angel. I know exactly what goes on. L'âge, cette maladie héréditaire que l'on attrape dès sa naissance et dont on cherche à guérir le plus tard possible. We'll be right back. invitation, only grand farewells. Crush the best one of the best ones. Clear liquor and cloudy eye. Too early to say goodnight. You have stolen my heart. You have stolen my heart. De la réaction de Lorca quand il l'avait entendu dans mon appart, je me souvenais parfaitement. Son explosion défragmentée de joie. Lui, peu ou prou, au moins dans l'espoir, il avait été prêt à entendre cette voix. Elle, je sus dès les premières secondes où Tishka commence à chanter qu'elle avait enterré, au fond du tréfonds de ses tripes, tout ce qui aurait pu rallumer le souvenir vocal de sa fille. This song will become the J'ai essayé de faire autre chose et de montrer qu'il y avait dans un discours, comme l'histoire naturelle, des règles de formation des objets, qui ne sont pas les règles d'utilisation des mots. Des règles de formation des concepts, qui ne sont pas des lois de syntaxe. Des règles de formation des théories, qui ne sont ni des règles de déduction, ni des règles théoriques. Ce sont ces règles mises en œuvre par une pratique discursive à un moment donné qui expliquent que telle chose soit vue ou omise, qu'elle soit envisagée sous tel aspect et analysée à tel niveau, que tel mot soit employé avec telle signification et dans tel type de phrase. Par conséquent, l'analyse à partir des choses et l'analyse à partir des mots apparaissent dès ce moment comme secondes par rapport à une analyse première, qui serait l'analyse de la pratique discursive. This is morning. That's when I spend the most time thinking about what I've given up. This is a warning. When you start the day, just to close the curtains, you're thinking about what I've to my house. I'm retracing every step you made, and you said you meant it, and there's a piece of me in every single second of every

France Info, décidément à la pointe sur la question de la garde à vue. C'est le chef de son service police-justice, Mathieu Aron, qui a révélé que les statistiques officielles étaient grossièrement maquillées à la baisse, en ignorant les gardes à vue pour délit routier au nombre de 200 000. Donc France Info donc, sort une nouvelle info aujourd'hui. C'est une info anecdotique, un cas individuel, mais qui, selon les responsables de la radio d'information, est révélateur de la dérive actuelle. Une jeune fille de 14 ans, Anne, aurait, à la suite d'une bagarre à la sortie de son collège à Paris dans le 20e arrondissement, dans laquelle elle aurait été impliquée, pour tenter de séparer les belligérants, dit la demoiselle, donc, était interpellée à son domicile au Sceau du Lit à 10h30. Rappel, c'est une adolescente, 10h30, c'est l'aube pour eux. Et conduite en pyjama et menottée au commissariat où elle est restée 8 heures en garde à vue avant d'être remise en liberté dans l'attente d'une convocation devant le juge des enfants. and razor blades. I'm waking up next to nothing after dreaming of you and me. I'm waking up all alone, waking up so relieved while you're taking your time with apologies. I'm making my plans for revenge. Red eyes on orange horizons. Columbus was wrong, I just straight off the edge. I just straight off the edge. Taking your own life with boredom, I'm you to rule out the sorrow. It helps me to empty my mind. Making the most of a bad time. I'm smoking the brains from my head. Leaving the coal calling, the kettle black, the orange and red. This kettle is seeing red. Un responsable syndical de Synergie, interviewé sur l'antenne il y a une heure environ, a démenti les propos de la jeune fille. Quand bien même il était étranger à cette procédure, il dit avoir interrogé ses collègues, qui ont nié qu'elle était en pyjama, mais ont reconnu qu'elle était dans une sorte de jogging qu'elle portait lorsqu'elle dormait. Ce qui pour moi correspond assez bien à la définition de pyjama, mais je ne suis pas policier. Qu'elle ait été menottée à un quelconque moment, ont affirmé que la procédure avait été scrupuleusement respectée, elle a pu voir un avocat et a été vue par un médecin comme c'est obligatoire, et que d'ailleurs la jeune fille avait avoué sa participation aux violences et était convoquée pour être jugée. We'll be right back. Il est parfaitement possible que si le policier a estimé que son jogging était un vêtement suffisant, il ait décidé de la conduire ainsi au commissariat. Qu'une personne interpellée ait besoin de s'habiller est un cas fréquent, les interpellations ayant souvent lieu à 6h, heure légale, pour être sûr que la personne sera chez elle et endormie, mais dans ce cas, elle doit rester sous la surveillance constante d'un policier. Encore faut-il, dans le cas d'une jeune fille, que du personnel féminin soit présent. Si tel n'était pas le cas, il ne serait absolument pas étonnant que les policiers en charge de l'interpellation aient estimé que son jogging était parfait pour une garde à vue. Il va de soi que le simple fait de se coiffer est exclu. Le désaccord sera donc ici de vocabulaire. La jeune fille parle de pyjama, le policier de jogging. Admettons qu'il est acquis qu'elle n'était pas en robe de nuit. We'll dance off time to Pull me through. And I want her, need her, and you always will pull me through. Sur les menottes, je ne crois pas une seule seconde que cette jeune fille n'ait à aucun moment été menottée. Le menottage est systématique, même sur les mineurs, lors du transport et ce, en violation de la loi. Les officiers de police judiciaire appliquent la loi de l'emmerdement minimum. Si un gardé à vue s'enfuit, se blesse ou blesse quelqu'un alors qu'il n'était pas menotté, c'est de la faute de l'officier de police judiciaire. Donc, dans le doute, on menotte tout le monde. Ça fait gueuler les avocats, mais où irait une république qui accorderait de la considération à ce que disent les avocats comme on dit à Téhéran ? Et puis là, les policiers ont un prétexte en or. Elle est mise en cause dans une affaire de violence volontaire, donc elle est susceptible d'être violente, hop, les pinces. La seule exception est pour les très jeunes enfants, genre 10 ou 6 ans, mais là, c'est parce que les poignets sont trop petits. Come on! cross your heart, crash, burn and fall. Under cushions hide the change, so no one knows. Just be careful who you tell. I'll change that. Just don't. say I don't mind you under my skin. I let the bad parts in, the bad parts in. But when we were made, we were set apart. But life is a test and I get bad marks. Now some saint got the job of writing down my sins. The storm is coming, the storm is coming, yeah. Say I'm still the king. Now the storm is coming, the storm is coming. Sur le respect de la procédure, j'accorde très volontiers le bénéfice du doute à la police. Rien dans ce récit ne me permet de subodorer que le code de procédure pénale n'a pas été respecté. Tout ceci est parfaitement conforme à la loi en France, et ben c'est bien là le problème. Mais il n'est pas de la responsabilité de la police de le résoudre, c'est au législateur de prendre ses responsabilités. Je vais attendre assis si ça ne vous dérange pas. I'm wrong. Ses aveux. 14 ans, réveillé par la police qui l'arrête, conduite en pyjama, jogging au commissariat, entendu pendant 8 heures, sans la possibilité d'être assisté par un avocat qui aurait accès au dossier. Ça, c'est de la preuve solide et réfutable, largement suffisante pour dès 14 ans lui coller un casier judiciaire. wish I was brave. I wish I was stronger. Wish I could feel no pain. Wish I was young. Wish I was shy. I wish I was honest. Wish I was you, not I. 'Cause I feel so mad. I feel so angry. Feel so callous. So lost, confused again. Feel so cheap. So used, unfaithful. Let's start over. Let's start over. Sometimes I wish I was smart. I wish I made cures for how people are. I wish I had power. I wish I could lead. I wish I could change the world for you and me. 'Cause I feel so mad. I feel so angry. Feel so callous. So lost, confused again. Feel so cheap. So used, unfaithful. Let's start over. Thank you. Une jeune fille de 15 ans, sans casier, en garde à vue pour avoir tenté de voler une paire de chaussures en solde. 40 euros chez Monoprix, donc 20% partout ailleurs. Je rappelle que ma venue a coûté 63 euros aux contribuables. Un jeune homme de 15 ans, sans casier non plus, en garde à vue pour avoir fait un croc en jambe à un camarade à la sortie du collège. Sur ce dernier, quand l'officier de police judiciaire m'a dit ça, j'ai demandé de combien était l'incapacité totale de travail de la victime. Je m'attendais à une fracture ou un trauma crânien. Non, rien. Elle est ressortie de l'hôpital au bout de 10 minutes, pas un jour d'ITT. J'indique mon incompréhension. Violence volontaire sans ITT, c'est une contravention de 4e classe. 750 euros d'amende max, bref, c'est aussi grave que porter une burqa, mais ça ne justifie pas une garde à vue, faute de prison encourue. Réponse du policier, mais la victime est mineure de 15 ans puisque c'est un camarade de classe qui n'a pas encore fêté son anniversaire et les fêtes ont eu lieu à proximité d'un établissement d'enseignement. Deux circonstances aggravantes, donc 5 ans encourus, article 222-13, 1er et 11e alinéa du code pénal. Avis à la population, désormais, bousculer un camarade dans la cour de récréation, c'est 2 heures de colle et 5 ans de prison. You won't waste no fun. je vous ai réunis chez moi, vous imaginez bien que ce n'est pas par unique souci de convivialité, même si le dîner qui nous attend devrait vous changer de la cantine du récif. Ce que nous avons à partager ensemble, c'est... Donc, exiger la confidentialité la plus stricte. Le récif ne donne malheureusement plus les gages les plus fiables sur ce plan. Pour rassurer ceux ou celles que s'inquiéteraient, j'ai fait placer autour de la propriété des brouilleurs militaires. Ce qui va être dit ici restera par conséquent entre nous. Bien. Vous avez sans doute été surpris de découvrir Tony parmi nous. Sa connaissance spécifique des glyphes et son implication dans votre, disons, randonnée d'altitude m'ont semblé rendre indispensable sa présence. Personne n'y voit d'objection ? Thank you.

crash my car through your window. Way! Sitting in this room playing Russian roulette. Finger on the trigger to my dear Juliet. Out from the window, see her back drop silhouette. This blood on my hands is something I cannot forget. Sitting in this room playing Russian roulette. Finger on the trigger to my dear Juliet. Out from the window, see her back drop silhouette. This blood on my hands is something I cannot forget. Something I cannot forget. L'objectif de cette rencontre dans mon esprit est triple. Il s'agit d'abord de faire appel à notre intelligence collective et de mettre en commun ce que nous savons désormais des furtifs. En nous appuyant sur ce que votre intrusion dans l'ancien appartement de Sarr et Lorca nous a pris de précieux et de neuf. Ensuite, il va falloir envisager l'avenir. Nos perspectives de recherche, nos axes, nos directions. Et spécifiquement pour votre fille. Enfin, et je ne vous cache pas que ça va être un peu douloureux pour vous, je dois vous parler ce soir du contexte politique qui est très tendu. Tendu entre l'armée et la police, entre notre unité et les milices commerciales, tendu entre les mouvements militants auxquels vous êtes désormais associés et la gouvernance qui entend les neutraliser. J'ai passé ces 15 derniers jours à faire de la diplomatie heure par heure avec une quarantaine d'interlocuteurs différents, la plupart de très haut niveau. J'ai eu plusieurs fois le ministre. In fine, j'ai pu vous sauver la mise, une fois encore, et vous éviter la prison qui vous tendait les bras. Vous devinerez facilement que ce type de transaction se paye souvent très cher, et pas seulement financièrement. Elle se paye en termes de dette morale, de contre-don, de réciprocité attendue, de chantage. Votre anonymat n'est plus assuré. Vous avez été pisté lors du parcours comme je le craignais. La gouvernance connaît vos convictions pour Sarr, Lorca et Tony. Vos réseaux, votre passé a été épluché. L'accord que j'ai passé consiste grossièrement en ceci. L'armée continue de couvrir vos missions sous ma responsabilité directe. Police et milice ferment les yeux. En contrepartie, vous devez accepter d'être bagué. so sick, I took a long walk. Straight back home, I could've walked back to San Francisco. I used to long for a time alone. I used to long for a place of my own. And I'm losing faith in everything. I'm lost, so lost, I'm lost at CUC. Casket to call my own. I never had a problem facing fear, but I'm done over and out, my dear. And oh, mercy me, God bless catastrophe. There's no way in hell we'll ever live to see through this. So drag yourself insane tonight. It's not that far away, and I just filled up your tank. Felt so sick, I took a long walk straight back home. I could've walked back to Chicago. I used to long for time alone. I used to long for a place of my own. And I've lost faith in everything. I'm lost, so lost, I'm lost without you. Oh, mercy me, God bless catastrophe. But there's no way in hell we'll ever live. Thank you. Il faut que quelque chose soit insupportable dans le fait d'être perçu. Est-ce d'être perçu par des tiers ? Non, puisque les tiers percevants éventuels s'affaissent dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont perçus chacun pour son compte et non pas seulement les uns par les autres. Il y a donc quelque chose d'épouvantable en soi dans le fait d'être perçu, mais quoi ?